You are listening to Fresh Air Community Radio, KFAI 90.3 FM, Minneapolis and St. Paul, and streaming at KFAI.org. The program you're listening to is Bonjour Minnesota. You can call us, or me, at 612-341-0980 while the music is playing, or email at bonjourminnesota@gmail.com. Vous écoutez Fresh Air Radio Communautaire, KFAI 90.3 FM à Minneapolis et Saint-Paul, et en ligne sur KFAI.org. L'émission que vous écoutez est Bonjour Minnesota. Vous pouvez nous contacter au 612-341-0980 pendant les chansons, ou à l'adresse bonjourminnesota@gmail.com. Bonsoir, bonsoir. So, tonight, I'm saying bonsoir to all of you, but not to any of my co-host friends, because they're all caved in. Nobody's here. I'm just the only one. So you're gonna have to do with it. And but that'd be okay. I think we'll be able to manage. And I mean, from a schedule standpoint, there's not really anything on the schedule, like a holiday or things like that. I mean, in France, the August 15 is a holiday, and it's the birthday of Saint Mary. Not my my grandma was Mary, but Marie, but not her. And but it's not celebrated here, so we're just gonna play music tonight and talk a little bit about the event coming up a little bit later. But we're gonna start the set with Eric John Kaiser. He's originally from Paris, like I am, and I'm Freddie, by the way. And he moved for a woman in the US, like I did, but he moved to Portland, Oregon, instead of, you know, the Twin Cities in Minnesota. And like me, he's still there. We both not with the same person, but yeah, he's still there and he's making music on a regular basis. So we're going to listen to three songs of him, Eric John Kaiser, and three songs from three different cities. So that's going to be nice. The first song is French Troubadour, and it's from his album called French Troubadour. It's from 2009. Then Le Droit de Rêver, The Right to Dream. It's from his album Made in Gaspésie. Gaspésie, who's in Quebec. And it was in 2016. And Si Dieu Existait, If God Existed. And it's from his album L'Odyssée from 2006. All right, so on y va. Listen to blé, les autres ont l'or. Et moi je regarde tout ça, construis mon destin. Un soir comme les autres, dans un bar américain. C'est une carte postale de l'Amérique, dans un bar du Nord-Ouest. C'est une carte postale de l'Amérique, dans un bar du Nord-Ouest. C'est une carte postale de l'Amérique, dans un club du Nord-Ouest. C'est une carte postale de l'Amérique, dans un club du Nord-Ouest. Have this shot, it's on me. Click my neck, let's go crazy. So sexy, it turns me on. What's your name, Judy? Another one of these nights. And after singing on the stool, I met some strange cat. The treatment. Tu vis avec un drogué, un accro au monde de la nuit, un vrai junkie. Vite, vite, vite. Oh, les sirènes m'appellent, je me prends pour Gigi. Elles me demandent jamais, je ne peux leur résister. Je chante avec elle et je me sens, oui je me sens, je me sens éternel, éternel. Un miroir de salle de bain. Pour se faire un destin, une Allop, une Wilson, jouer les solos d'Angustion. Vite, vite, une star qui sommeille, une paire de lunettes de soleil, des Santiago défoncés et un perfecto usé. Je chante avec elle. me sens, oui je me sens, je me sens éternel, Après toutes ces années, j'ai encore le droit de rêver. L'Odyssée a continué, rejoindre ses beautés. Vite, vite, vite. Vite, vite, vite. Et je chante, oui je chante. Et je chante avec elle. Et je me sens. Je me sens éternel et je danse, oui je danse avec elle et je vis, oui je vis, je ne vis. Pour ça tout, ou une question pour rien. Et voilà, c'était trois chansons. It was three songs of Eric John Kaiser, a Parisian in Portland, Oregon. So the first song was French Troubadour, featuring Tété, from the album French Troubadour. Then after that, it was Le Droit de Rêver, The Right to Dream, from Made in Gaspésie. And the last one was Si Dieu Existait, and it's from L'Odyssée. Now we're going to listen to three more songs. The first one we're going to listen to is from Gérard de Palmas with Je te pardonne, from his album Marcher dans le sable. Je te pardonne means like I'm pardoning you. I mean, yeah. And then two songs from Jean Leloup. In France, Jean Leloup was very famous for one song that was like in the years of 1990. But he, in Quebec, he generated quite a few more albums, and there's going to be some of them. The songs are from some of them. The first song is called Voyager, or Traveled, from his album Les Fourmis. And the second song is La plus belle fille de la prison, the most prettiest girl from the prison or the jail. All right, on y va. Programming on KFAI is supported by the French American Heritage Foundation of Minnesota, whose mission is to promote and cultivate the heritage of French language cultures. Learn about the many French American Heritage Foundation events and celebrations at fahfminn.org or on Facebook. Merci beaucoup. Je te pardonne. aimerais parfois m'arrêter, trouver un endroit où rester. Mais je n'aime que voyager et je ne fais que passer. Parfois j'ai envie de stopper, tu dis des tips, tips, tips, soit que je rencontre un ami, tu dis des tips, tips, tips, ou que je me sente endormi. Stationne un peu par ici, car il faut des fois un accord entre la peur et le confort, entre la voile et puis le port, entre la vie et puis la mort. Serait-ce qu'un instant, je n'ose jamais me surprendre, je n'arrive jamais à me rendre, et je ne fais que passer, je ne fais jamais que passer, et je ne fais que passer, je ne fais jamais que passer. Parfois j'ai envie de stopper, je rencontre un ami, tu dis dis dis dis dis, ou que je me sens endormi, tu dis dis dis dis dis, je stationne un peu par ici, tu dis dis dis dis dis, car il faut des fois un accord, tu dis dis dis dis dis dis, entre la peur et le confort, tu dis dis dis dis, entre la voile et puis le vent. Thank you. Everybody loves options, yeah? Which is why we've created so many ways to support KFAI. You can donate your vehicle, purchase merchandise, make an online donation, send a check, become a monthly donor, or even give through your workplace matching program. More details at kfai.org/donate. Hello, hello. You're still listening to Bonjour Minnesota on KFAI Radio. This is Freddie, and we just listened to three songs. So we first started with Gerald De Palmas, a good friend of Johnny Hallyday, and he's doing kind of rock, a little bit bluesy and stuff. So the name of his song was Je Te Pardonne. Then two songs from Jean Leloup, who's from Quebec. The first one was Voyager, or Traveling. And the second one was La Plus Belle Fille de la Prison, or The Most Beautiful Woman from the Prison, which, I don't know, I have my doubts, but... anyway, we gonna... Yeah, I'll talk about the events a little bit later. Tonight I'm by myself, so we're gonna listen to a lot of music. We're gonna listen to Toufik Farouk with Destin et Désir, and it's featuring Jen Added. Then we're gonna listen to Izia with a song called Chevauché, or like it's kind of like horseback riding, it's also featuring Jen Added. And then it's gonna be François and the Atlas Mountains with Tourne Autour, like turn around, and on y va. À toute allure, comment peut-on les réunir? Destins et désirs, je veux tout et je ne veux rien. J'ai pris tant de chemins, on dirait que celui-là me conduit jusqu'à toi. Et puis la réponse, tu dis parfois tellement d'incohérence. Quelle élégance, ton rire est comme une évidence. Quand tu t'énerves, on dirait que tu danses. Je veux t'épuiser, mais sans souffrance, dans la transe. À toute allure, comment peut-on nous deux dans l'univers. Je veux te plaire et te faire peur. La trace de nuit d'enfer. Joue la distance, prince malin. te ferait croire que se détourne l'histoire vers d'autres lointains. Il réfère, lire mes atouts aux reines aux chairs de satin. Reviendrai croiser le fer de ton cœur de chienne au besoin. Même la cour. Le chant des sirènes, ça me fait rien, ça me fait rien. Tourne toujours, je te tourne toujours autour, même de loin. Je te tourne toujours autour, même de loin. Ton cœur est une girouette. Le mien est un pieu d'airain sur lequel tu tournes autour, tournes autour du moins. J'attends que vienne le jour où plus rien ne te retient. Ce jour sera sans détour, droit au désir sans frein. So we just listened to three songs. The one song was from Toufik Farouk, the first one, with Destin et Désir, featuring Jeanne Hadid. Then after that, it was Easier with Chevauché, also with Jeanne Hadid. And just now, it was François and the Atlas Mountains with Tourne Autour. It's like turn around, but like turning around someone. Like if someone is interested by another person, say a man is interested by a woman, it's figurative, but turning around someone like that means that, you know, he's trying to stick around and try to, to be around and not because he's interested. All right. Well, we're going to talk a little bit about the events right now. I mean, one of the big news of the week is still the fact that Leo Messi is now with Paris Saint-Germain in France, so that's pretty awesome. The other news is on the 27th, on Friday, August 27th, starting at 7, there's going to be La Teuf de l'été. And La Teuf is, in Verlon, it's La Fête de l'été, or end of summer dance party. And it's going to be at the Alliance Française Minneapolis Saint-Paul. It's 227 Colfax Avenue North. There's a limit in how many people they can have. So don't linger and reserve your ticket. It's a different price whether you're a member or not. But basically, they are going to transform the Alliance Française into a discotheque. And there's going to be different rooms with different DJs. And there's going to be... booze in general, I mean food and booze, but as we got to DJ, it's going to be like Dua La Soul Collective, Megan O, and Salif Keita. So our good Salif Keita from African Rhythm, has a show like on Sunday I think it's starting at 12, and African Rhythm is pretty good, and they play also quite a few French tunes in French. Not necessarily from France. We do too. I mean, we have some from Quebec, but we try to diversify a little bit. But tonight, because we didn't have a specific agenda, I was a little bit more flexible into picking artists that we don't listen very often, or we don't play very often. So it's a mix. Talking about more events, the Alliance Française of New York, it's the French Institute Alliance Française. They have a virtual ciné salon, and they have two movies playing for a week from August 17th to Monday, August 23rd, and it's online. And the first one is mainly for kids. The first one is Shum's Odyssey, and the first one is L'Odyssée de Shum, And the second one is Stinky Dog, Happy Life in Paris. So check it out. You can get more information at fiaf.org. Just go to the event section. Sorry about that. And then there's another event. Actually, there's a couple of events that are displayed by the Alliance Française de Fédération, or the Federation. So you can go to afusa.org and event. One of the events is going to be on August 28th at 1 p.m. Eastern, so that's going to be 12 p.m. Central. And it's Demystifying the French, a panel discussion. And it's online in English. And it's basically like four speakers who are going to tell their stories. And they are all from the U.S., but they spend some time in France. And they want to talk about their experience and what they discovered. And of course, they were not the same experience based on the four people. And then on August 27th at 10 a.m. Central, there's a visit of the Château de Blérancourt. So if you like the virtual visits, you know, it's in English and it's pretty cool. You have the link at afusa.org. I don't see a cost, so yoop-de-doo. It's pretty cool, but you need to get the link from the website. Et voilà, that's all for the event. It's on the quiet side. A lot of the event that was occurring before that were like online, especially the book clubs, well, now they all go back in person. So unless you move to, you know, other Alliance Française's location, you can't really attend anymore. So I'm not really talking about those anymore. What else? Well, my player seems to be like acting up. So I hope I'll be able to play some music. Otherwise, I have plan. The first song we're going to listen to is from an artist called Amin, and his first song is Señorita. The second one is Tu Verras, You Will See. And then we're going to listen to a song from a band that was very popular in the 90s with the first album, and because they were super funny, and Billy the Kick and Les Gamins en Folie. And often we play like OCB or Mangez-moi, which are pretty much about drugs. And this one like is about a radio. And what's funny is that in the Twin Cities, we have there's a radio called Radio K. And here it's called Radio Cassure. So it's like a play on word, because Radio Cassure means like they assure, ils assurent, so they are... They are pretty cool, you know, they are doing well, but it's spelled differently. All right, enough talking, on y va avec Amin. Mesdames et messieurs, j'ai le plaisir d'accueillir Amin. Ma cosa nostra, se le feu c'est toujours l'envie de toi, je te suivrai de Madrid à Barcelona. Viens de l'Eli, viens avec moi qu'on s'en aille, pieds nus dans le sable, danser toute la nuit près de moi, mon cœur te réclame, en chair et en âme, Dieu créa la femme, dans ma destinée, enfin tu apparais. Tu es ma señorita. Señorita, la, la, la, la, la, la, la,

où est la main de ta sœur? Attention la rumeur, Radio Cassure, c'est la Radio Cassure. Paraît que t'as du matos, fais la part du copain, du cousin machin, qui est copain de ton voisin. T'inquiète, c'est pas craignos, on fait ça discretos. Où est la main de ta sœur? Attention la rumeur, Radio Cassure, c'est la Radio Cassure. Ce soir, y'a une toffe en petit comité, mais sur les coups de 9h, une grosse bande s'est pointée. J'en connaissais qu'un seul, il faut pas se demander comment ça se fait. La Radio Cassure a encore frappé. Où est la main de ta sœur? Attention la rumeur, Radio Cassure, c'est la Radio Cassure. Amis du monde entier, venez nous divulguer ce qui vous est arrivé. Et nous le capterons et on le répétera. Ça se déformera et ça s'amplifiera. Plus d'amis tu n'auras, et nos menteurs pour toi, et nos marmeurs pour plus. Où est la main de ta sœur? Attention la rumeur, Radio Cassure, c'est la Radio Cassure. You're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI 90.3 FM, Minneapolis, St. Paul, and streaming at kfai.org. The program you're listening to is Bonjour Minnesota. You can call us at 612-341-0980 while the music is playing, or email us at bonjourminnesota@gmail.com. Vous écoutez Fresh Air Radio Communautaire, KFAI 90.3 FM, à Minneapolis et St. Paul. Et en ligne sur kfai.org. L'émission que vous écoutez est Bonjour Minnesota. Vous pouvez nous contacter au 612-341-0980 pendant les chansons ou à l'adresse bonjourminnesota@gmail.com. Et voilà, so we just listened to three songs. The first two were by Amin. And the first one was Señorita. And the second one was Tu verras. And the last song we just listened to was Billy the Kick et Les Gamins en Folie with their song called Radio Cassure. And it's from 1994, so we're going back a bit. They generated more albums after that. Then we're going to listen to three more songs because that's what we do. Sometimes we have guests, sometimes we talk about other things. Oh, by the way, I just started. Adrien was recommending a series, a TV series called No Man's Land. Not the movie that came out, but a TV series of a guy trying to look for his sister in Syria. And I just watched one episode, so we'll see how it goes and how it keeps going. So now we're going to listen to an artist that Romain really likes. So if he listens to us or to me, I hope you'll enjoy it. The first song is from his album Indocile Heureux. And the name of the song is Les Indociles Heureux. Indocile is someone who's not docile. And it's very frequent in French to say imbécile heureux, like you're happy dummy, kind of like simple. And here, instead of imbécile, it's indocile. So he's happy to be indocile and to be contradicting people and stuff like that. Then after that, we're going to listen to another one from Benabar called La Petite Monnaie, Small Change. And it's from an album that I got like a long time ago. It was one of the first CD that I got when I was here because it was French Playground from Putumayo, and the song was there, and it's someone from ECFE in Saint Paul who gave it to me. So it was pretty cool. I mean, the songs are very nice. So French Playground from Putumayo, you can find it, and it's a lot of good artists. So, and in this song, one of the big conclusions is that, you know, the happiness or the bonheur, it's only in small, you only get it in small change, not big chunk. You know, there's not like this revelation moment. It's just this tiny moment of life, like piece of sharing with people, that is part of the happiness. So you need to take advantage of it when you can. Then we're going to listen to Cleo from a latest album in 2020, and the song is Ai-je perdu le Nord? Did I lose my north, or did I lose my way? Perdre le Nord is, yeah, you lose the north, that means your compass is a little bit messed up. It's from her album L'amour hélas. All right, on y va. Les rebelles de cour d'école qui ont toujours une bêtise à faire, qui quand s'annonce une heure de colle dénoncent les petits copains derrière. Y'a les rebelles de l'open space qui bavent sur le patron. Ils feront preuve de souplesse au moment de l'augmentation. Y'a les rebelles d'internet révolutionnaires de Twitter et qui vont sauver la planète en postant partout des petits cœurs. De faux rebelles sous toutes les formes, l'époque est à la veine querelle. Anticonformiste, c'est la norme. Rebelle, c'est consensuel. Et puis y'a ceux qui ne prennent pas la pause, qu'ils aient raison ou bien tort, ce qu'ils savent c'est qu'ils sont pas d'accord. Presque malgré eux, parce qu'ils peuvent pas faire autre chose que dire non et merde à tout. Les rois de la balle dans le genou, les réfractaires, les entêtés, peut-être perdants mais lumineux, récalcitrants de la tête aux pieds, les indociles heureux. Y'a les rebelles militaires qu'on voit les autres à l'abattoir, qu'attendent au chaud dans un bunker de finir dans des livres d'histoire. Y'a les rebelles des journaux, les libres penseurs des médias, qui disent courageusement tout haut ce que tout le monde disait déjà. Les anarchistes de ministères contre le système qui les fait vivre. Ils provoquent sans déplaire, ils titubent sans être ivres. Ils voudraient grogner comme les faunes, mais jappent comme les caniches. Les bad boys en guimauve ont de très très jolies niches. Et puis y'a ceux qui ne prennent pas la pause, qu'ils aient raison ou bien tort, ce qu'ils savent c'est qu'ils sont pas d'accord. Presque malgré eux, parce qu'ils peuvent pas faire autre chose que dire non et merde à tout. Les rois de la balle dans le genou, les réfractaires, les entêtés, peut-être perdants mais lumineux, récalcitrants de la tête aux pieds, les indociles heureux. Les artistes fortes têtes qui la baissent en douce enfonce des portes ouvertes à grands coups de pieds de biche en mousse. C'est tellement comme il faut de singer l'insoumis cynique. Dans les dîners, sur les plateaux et à la Fashion Week. Et puis y'a ceux qui ne prennent pas la pause, qu'ils aient raison ou bien tort, ce qu'ils savent c'est qu'ils sont pas d'accord. Presque malgré eux, parce qu'ils peuvent pas faire autre chose que dire non et merde à tout. Les rois de la balle dans le genou, les réfractaires, les entêtés, peut-être perdants mais lumineux, récalcitrants de la tête aux pieds, les indociles heureux. Un joyeux brouhaha, un chaleureux chahut nous retient autour d'une table à peau du ventre bien tendu. Les vieux finissent l'eau de vie tandis que les jeunes mangent leur pain blanc en chatouillant les petits qui s'étouffent en rigolant.

la nuit une lumière. Je retrouve enfin mes rêves. Comme un cri qui se perd, je vois le jour qui se lève. Sur ma planète, une nouvelle mélodie. Pleine d'espoir, mon âme en fait enchante enfin sa vie. Imagine, et la vie devant toi en couleur illumine l'avenir qui s'écoule. Et voilà, you're still listening to Bonjour Minnesota on KFAI Radio. This is Freddy. We're here every Tuesday, 8 to 10 p.m. Central, since the early 80s. We had different calls taking care of the show, but we try to keep on going and, you know, play some French music, having some interview with people from the community and who have things to bring about the French culture or Francophile culture. I mean, we are not only centered to France, even though we come from France, that's what we know best. But, you know, we have some special shows about Canada, Quebec, or next week is going to be a special Paris, because it's going to be the 77th anniversary of the Paris liberation from the Nazi. So the selection will be about song about Paris, and let me tell you, there's quite a few to choose from. So I won't lack any material. And now we're going to listen to more songs until 10 o'clock, so we still have like a good half hour. The next song we're going to listen to is Albin de la Simone, and with Emiliana Torini. Emiliana Torini is, if I recall, he's like half Icelandic and half Italian, but she also sings in French, as you can, you'll be able to hear. And the name of the song is Moi, Moi. I've seen her like in the early 2000s when we went to see Dido. And yeah, she was doing the opening and stuff. So that was pretty cool. So yeah, the song is Moi, Moi, and it's from an album called Un Homme. Then after that, we're going to listen to Oshi. And the name of the song is Il suffit d'y croire. You just have to believe in it. And then we're going to listen to Dominique A with Le Temps qui passe sans moi. You know, times is passing by without me, so he's missing out, kind of. All right, on y va. Ta vie normale, de comédie, de maladie, de tes amis, de tes mains sales, de sous le lit, trois dans la malle, bla bla bla bla bla. Parlons plutôt de moi, non. Parle-moi de moi, toi. Moi mes oiseaux, moi mes médailles, de comédie, de maladie, à tes amours, tes boréales. Sur le lit, toi dans la malle, bla bla bla bla bla. Parlons plutôt de moi, non. Parle-moi de moi, toi. À ce lettre nous grandissons, faisons de moi notre passion. Pour les idées noires, on va pas

Et voilà. You're still listening to Bonjour Minnesota on KFAI Radio. We just listened to three songs. The first one was Albin de la Simone with Emiliana Torrini. And the name of the song was Moi, Moi. Then after that, it was Oshi with Il suffisait d'y croire. And after that, it was just now, it was Dominique A, like the letter A. And Le temps qui passe sans moi. We're going to listen to more songs before Balkan Jamboree in 20 minutes. We're going to listen to another song from Dominique A called Le courage des oiseaux, The bravery of the birds. Then Tim Dupe with Fin août, The end of August. And then Thomas Dutronc, Jacques Dutronc and Françoise Hardy's son, with a song called Demain. And it's from his album Silence on tourne en rond. So if you wonder about some of the songs and you don't, you know, you want to write it down, I mean, I'm pushing the titles as we play the songs. So if you go to kfai.org, you can see the title of the current song. But like tomorrow, when you go to the page to listen to the, you can listen to the show again. And there's the, in the details, you can see the whole playlist with the name of the song and the albums. The albums don't always match, but the name of the artist and the name of the songs are always accurate. So, all right, let's listen to more music. Finit mal, on n'imagine jamais très bien qu'une histoire puisse finir si mal quand elle a commencé si bien. On imagine pourtant très bien voir un jour les raisons d'aimer perdues quelque part dans le temps. Mille tristesses découlent de l'instant. Alors c'est ce qui nous passe en tête. Peut-être finissons-nous par nous lasser. Si seulement nous avions le courage des oiseaux qui chantent dans le vent glacé. Tourne-t-on donc contre mon dos? Que vois-tu, je ne te vois plus. Si c'est ainsi qu'on continue, je ne donne pas cher de nos peaux. Parfois, qui sait ce qui nous passe en tête. Peut-être finissons-nous par nous lasser. Si seulement nous avions le courage des oiseaux qui chantent dans le vent glacé. Si seulement nous avions le courage des oiseaux qui chantent dans le vent glacé. tes boucles d'ébène face à l'océan. Contemple la plaine comme effleure le vent sous les perles brunes et les ciels d'ivoire dans les mers, les dunes où l'on vient s'asseoir. On prendra le temps de tout voir, d'aimer chaque instant comme un dernier soir. Je veux mourir vieux dans tes bras de soie, sous un ciel pluvieux pour que l'on s'y noie. Je n'ai qu'un seul vœu avant l'au-delà, c'est ton sel, ton feu pour brûler ma voix. On dira jamais, on dira toujours comment j'avanais. On fera l'amour, on brisera les chaînes de nos prisons d'or, du jardin d'Éden pour tromper. Se suffire ensemble de délices et de fruits, se coucher à l'aube, rassasié de la vie, dans le bleu, dans le mauve, de l'éternelle nuit. Oh, je veux mourir vieux dans tes bras de soie, sous un ciel plus vieux pour que l'on s'y noie. Demain je m'y mettrai, je vois rien, je rêve à la fenêtre. Un jour, faudrait que je m'y mette. Mais y'a de la vie tous les soirs, y'a des filles dans les bars. Allez viens, demain sera trop tard. Y'a toujours une petite fête, promis demain j'arrête. Mais ce soir, la nuit sera sans fin. À l'été, à la vie, au soleil et aux filles, je veux lever mon verre à enrouler par terre. Je rejoins prévu la folie et l'ivresse en chantant dans les rues. J'oublie toutes les promesses. Demain j'arrêterai. Demain je m'y mettrai, je vois rien, au au café en terrasse. Je suis bien, je regarde la vie qui passe. Et pourquoi faire aujourd'hui ce que je pourrais faire demain? Vive la vie, comprends comme elle vient. Alors j'appelle mes potes, ça te dirait qu'on sorte. C'est ce soir, demain sera trop tard. À l'amour, à la vie, au soleil et aux filles, je veux lever mon verre. Allez, viens voir mon frère. C'est pas que le paradis n'a pas tout pour nous plaire, mais j'ai plus chaud en enfer, entouré de mes amis. J'ai des économies, je prévois le reste de ma vie. Mutuelle et petits bas de laine. Mon Dieu, que j'aime le système. Demain sera merveilleux, j'aurai ma maison, je serai heureux. Mais je serai vieux, ça c'est ennuyeux. Alors je te les laisse, ma place, mon chien, ma caisse. Résolution, je prends plus de résolution. À l'été, à la vie, au soleil et aux filles, viens donc lever ton verre, renversons les barrières. Demain on sera tous frères, demain y'aura plus de guerre, on mangera à sa faim, en attendant je m'en sers. À l'amour, à la vie, au soleil et aux filles, je veux lever mon verre et rêver. Et voilà, we just listened to three songs. The first one was from Dominique A with Le Courage des Oiseaux. Then it was Tim Dupe with Fin Août. And just now it was Thomas Dutronc with Demain, which was a song a little bit different than what he's doing most of the time. He's doing a lot of like gypsy jazz and that sort of things. His latest album, French, is full of French classic songs like Les Feuilles Mortes or C'est Si Bon, and with duet of like very famous people. So that's pretty cool too, but this one changes a little bit. Now, we are 10 minutes from leaving, or at least I'll be leaving, going back home. We're going to listen to a set of three songs. The first one is from Tarmac. And Tarmac is a band that was created just after Louise Attaque was kind of tired of playing together. So there's two members of the band Louise Attaque who are part of Tarmac, including the singer, Gaëtan Roussel. And the name of the song is Notre Époque, and the name of the album is Notre Époque. Our times, you know. And then we're going to listen to Les Fatal Picards with Sucer Les Cailloux. Sucking rocks, I'm not sure exactly what they mean by that, but maybe he has something to do with stone soup. And then Richard Gotener with Je veux pas aller au paradis. I don't want to go to paradise. He says that most of his friends are not going to be there anyway. So, all right, on y va. And you can always listen to the show again, or you can listen to the previous shows and... we'll be back next week. Notre époque résonne telle une porte close. Et nous, comment fait-on? Sur quelle idée l'on se repose? Notre époque résonne telle une porte close. Et nous, comment fait-on? Sur quelle idée l'on se repose? Chose que Kiko demande, le premier être que l'on regarde, les premiers moments